The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Père Fouettard. Le Père Fouettard. Naughty. Vilain. Nice. Gentil. It's not nice. Ce n'est pas beau de. To lie. Mentir. To break. Casser. To do on purpose. Faire exprès. Accident. L'accident. Excuse. L'excuse. Behavior. Le comportement. Naughty thing. La bêtise. Good. Sage. Now, a bit faster. Behavior. Le comportement. Père Fouettard. Le Père Fouettard. It's not nice. Ce n'est pas beau de. Accident. L'accident. To lie. Mentir. Good. Sage. Nice. Gentil. To break. Casser. Naughty thing. La bêtise. Excuse. L'excuse. To do on purpose. Faire exprès. Naughty. Vilain. Now, use the words in context. Le comportement. He's always had exemplary behavior. Il a toujours eu un comportement exemplaire. Le comportement. The company cannot tolerate that type of behavior. L'entreprise ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Le comportement. Don't you think that he's been acting strangely lately? Tu ne trouves pas qu'il a un comportement étrange ces temps-ci? Mentir. I can't believe you. You lie to me all the time. Je ne peux pas te croire. Tu me mens tout le temps. Mentir. She's never lied in her life. Elle n'a jamais menti de sa vie. Mentir. Did he lie to you again? Il t'a encore menti? Faire exprès. She forgets her book on purpose every time that she has chemistry class. Chaque fois qu'elle a cours de chimie, elle fait exprès d'oublier son livre. Faire exprès. I didn't push you on purpose. Je n'ai pas fait exprès de te pousser. Faire exprès. Did you do it on purpose? Est-ce que tu l'as fait exprès? Casser. I stepped on my glasses and broke them. J'ai marché sur mes lunettes et je les ai cassées. Casser. I'm sorry. I broke a dish. Je suis désolée, j'ai cassé une assiette. Casser. Did he break your favorite vase? Il a cassé ton vase préféré? La bêtise. I used to do a lot of foolish things when I was little. Je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais petit. La bêtise. Above all, don't do anything stupid. Surtout, ne fais pas de bêtises. La bêtise. Did you do something stupid again? Est-ce que tu as encore fait des bêtises?